to me, and then you say hello, and I can hardly speak. My heart is beating so, and anyone can tell you think you know me well, but you don't know me. Dreams of you at night and longs to kiss your lips and longs to hold you tight. To you, I'm just a friend, that's all I've ever been, but you don't know me. Say goodbye. I want you to walk away. Teardrops fill my eye. To never, never know the one who loves you so. No, you don't know me. To salut à tous et bienvenue dans Solid Gold, j'espère que vous allez bien. Solid Gold, chaque semaine, c'est votre émission de variété anglo-saxonne. Nous avons un album fil rouge chaque semaine, et cette semaine, vous venez de l'entendre, c'est la très grande Nancy Wilson qui va nous accompagner avec un album de 1967, sorti même en 1968, très belle année, un album qui s'appelle Welcome to my love. Nancy Wilson est une chanteuse de jazz à la base, mais comme beaucoup de chanteurs et chanteuses de jazz à la fin des années 60, elle a aussi enregistré de la pop. C'est un peu un mélange de toutes ces influences qui sont dans cet album. On vient d'entendre une très belle chanson qui s'appelle You Don't Know Me. On la retrouve tout de suite avec Why Try to Change Me Now. Nancy Wilson est l'invitée de ce Solid Gold numéro 255. C'est parti. Got some habits, even I can't explain. Could start for the corner, turn up in Spain. But why try to change me now? I sit and daydream, I've got daydreams galore. Cigarette ashes, there they go on the floor. I'll go away weekends, leave my keys in the door. But why change me now? Why can't I be more conventional? People talk, people stare, so I try. But that's not for me, 'cause I can't see my kind of crazy world go passing me by. So let people wonder, let them laugh, let them frown. You know I love you till the moon's upside down. Don't you remember? I was always your clown. Why try to change? And what we have is Chaque semaine, Solid Gold, c'est un festival des grands noms de la variété anglo-saxonne, qu'elle soit américaine, anglaise ou qu'elle vienne d'autres pays. L'important, c'est que les chansons soient bonnes, que les artistes soient bons et que ça chante en anglais. C'est le principe de cette émission. À l'instant, c'était Diana Ross en solo sur Endless Love, une chanson qu'elle a aussi enregistrée en duo avec Lionel Richie. Et juste avant, George Benson avec Love Ballad. C'est Nancy Wilson qui nous accompagne ce soir dans Solid Gold. Nancy Wilson, qui est une grande dame du jazz aux États-Unis. Elle est née dans les années 20, donc elle est à un âge respectable, on va dire, maintenant. Et elle enregistre, elle n'a jamais cessé d'enregistrer depuis ses débuts dans les années 50. Ce soir, c'est un album de 1968 que l'on écoute, un album qui s'appelle Welcome to My Love, avec de très belles et de très grandes chansons comme celle qu'on va entendre maintenant, qui est la chanson titre de l'album Welcome to My Love. Et on aura Bobby Vinton juste après. Welcome to my love. I pray that you to be and now at last you're here. So welcome to my love. Hoped that we would meet. So welcome to my heart. Until there's love, my love, we merely exist. Lonely, I'm Mr. Lonely. I have nobody for my own. I'm so lonely. I'm Mr. Lonely. Wish I had someone to call on the phone. Now I'm a soldier, a lonely soldier, away from home, through no wish of my own. That's why I'm lonely, I'm Mr. Lonely. I wish that I could go back home. Letters, never a letter. I get no letters in the mail. I've been forgotten. Yeah, forgotten. Oh, how I wonder, how is it I fare? From home, through no wish of my own. That's why I'm lonely. I'm Mr. Lonely. I wish that I could go. Voilà, tout à l'heure, je vous disais que Nancy Wilson était née dans les années 20 et qu'elle avait donc un âge respectable. Et ben voilà, je vous autorise à me mettre une petite tape sur le nez, puisque elle n'est pas née dans les années 20, elle est née en 1937. Ce qui est, mais alors ça, vous en avez rien à faire, mais enfin, c'est l'âge de, l'année de naissance aussi de ma maman, donc je vais me prendre une double gifle. À l'instant, c'était donc Céline Dion dans Solid Gold avec Power of Love, et juste avant Mr. Lonely de Bobby Vinton. Que Nancy Wilson, si elle nous écoute, puisque nous sommes diffusés sur Internet, bien sûr, eh bien, me pardonne si elle écoute cette émission, donc on va la retrouver tout de suite, hein, on va, à cette palabre, avec un extrait de son album de 1968, Welcome to My Love. La chanson s'appelle Team from Hotel, et puis Le Boss, juste après, Frank Sinatra, For Once in My Life. For once in my life, say this is mine, you can't take it. Long as I know I got love, I can make it. For once in my life, I got someone. Yeah, for once in my life, I found someone. For once in my life, I got someone who needs me. Bye. came along just like a song and brightened my day. Who'd have believed that you were part of a dream? Now it all seems light years away. Dans Solid Gold avec Can't Smile Without You, et puis un très joli duo juste avant, Dionne Warwick en duo avec Sacha Distel, notre Sacha Distel national, If We Could Stop Time. Nancy Wilson, c'est elle qui nous accompagne ce soir dans Solid Gold avec son album Welcome to My Love, un album qui date donc de 1968 et un album qui comprend bien évidemment beaucoup de reprises. Et notamment cette chanson qu'on va écouter maintenant, que vous connaissez forcément, elle s'appelle Ode to Billy Joe. Elle a été reprise un nombre important de fois à travers le monde. C'est une chanson de Bobby Gentry, et notamment reprise en français par Joe Dassin. Ode to Billy Joe, c'est Nancy Wilson, c'est maintenant dans Solid Gold. It was the 3rd of June, another sleepy, dusty Delta day. I was out chopping cotton, my brother baling hay. And at dinner time we stopped and walked back to the house to eat. And Mama hollered out the back door, "Don't remember, wipe your feet." Then she said, "I got some news this morning from Choctaw Ridge. Today, Billy Joe McAllister jumped off the Tallahatchie Bridge." Papa said to Mama, as he passed around the black-eyed peas, "Well, Billy Joe never had a lick of sense, past the biscuits fizz. There's 5 more acres in the lower 40 I've got to plow." And Mama said it was a shame about Billy Joe anyhow. Seems like nothing ever comes to no good up on Choctaw Ridge. And now Billy Joe McAllister jumped Miller said he recollected when he and Tom and Billy Joe put a frog down my back at the Carroll County Picture Show. And wasn't I talking to him after church last Sunday night? A piece of apple pie, you know, it don't seem right. I saw him at the sawmill yesterday on Choctaw Ridge, and now you tell me Billy Joe jumped off the Tallahatchie Bridge. Mama said to me, child, what's happened to your appetite? I've been cooking all morning and you haven't touched a single bite. That nice young preacher, Brother Taylor, dropped by today. Said he'd be pleased. Looked a lot like you up on Choctaw Ridge. She and Billy Joe were throwing something up at Tallahatchie Bridge. A year's come and gone since we heard the news about Billy Joe. I could just watch you in your room, and I decided to be kind to me and offer me success. But no amount of fame and fortune could bring me happiness. I needed you to find me and love me like you do, while letting me fulfill myself. Les nouvelles stars, je parle des émissions Nouvelles Stars à travers le monde, produisent quelquefois de très bons artistes qui démarrent et à qui on souhaite bonne chance. C'est le cas de Clay Aiken qu'on a entendu avec Invisible. À l'instant, on avait Donny Osmond, A Million to One. Et puis, on a eu aussi Gladys Knight and the Pips, You Put a New Life in My Body. On va retrouver tout de suite Nancy Wilson, un extrait de son album Welcome to My Love, qui est notre album fil rouge ce soir. La chanson qu'on va écouter maintenant s'appelle May I Come In. Elle est donc sur cet album Welcome to My Love. Speaking of the devil, well, here I am. May I come in? Feeling like a lost and lonely lamb. May I come in? Don't slam the door before you hear my story. Let me stay till I can say I'm oh so sorry. Sorry that I ran out and lost my mind with someone new. Just step back and let our hearts decide. Maybe it would all work out in time. So won't you stay? Please don't go away. Love, love is what we make it. We can make it so much better if we try. Love, love is what we make it. So let's make it real good this time. Is it too late to change your mind, or has it gone too far this time? Won't you hug me just one more time? Let's just say there's a chance for you and me. It's so much better if we try. Love, love is what we make it. So let's make it real good this time. Love, love is what we make it. Whoa. It's your boy. Let's go. This is a tribute right here. And it's about to go down. Kirk Franklin dans Solid Gold avec un extrait d'un album qui s'appelait Interpretations, qui reprenait les grands tubes du groupe Earth, Wind & Fire par des artistes plus actuels. Là, on entendait September, et puis on a eu aussi Kenny Rogers avec Love is What We Make It, et puis entre les deux, au moment où sort le remake de Fame sur les écrans, c'était un extrait de la série Fame avec Erica Gimple qui chantait Be Your Own Hero. Nancy Wilson. Tout de suite, on la retrouve dans Solid Gold avec un extrait de cet album Welcome to My Love qui est, je vous le rappelle, un album de 1968 et que l'on déroule tout au long de l'émission. On va écouter une chanson qui s'appelle Let's Make the Most of a Beautiful Thing. Elle sera suivie par Al Jarreau et son superbe We're in This Love Together. So my love, let's make the most of a beautiful thing. face is beaming. You say it's 'cause you're dreaming of how good it's going to be. You say you've been around, and now you finally found everything you wanted and needed in me. I don't have the heart to hurt you. It's the last thing I wanna do, but I don't have the heart to love you. Not the dying to see you crying. How can I make you understand? I care about you. Chaque semaine, Solid Gold, je l'espère, vous apporte un petit peu de baume au cœur avec cette émission donc de variété anglo-saxonne. On écoute un peu tous les genres, hein, de la country, du jazz, de la pop, du rock, de la soul, du jazz. Enfin, on essaye de faire une espèce de melting pot de bonne musique et de grands artistes. À l'instant, on avait James Ingram avec I Don't Have the Heart, une chanson écrite par David Foster. Et puis juste avant, Irma Thomas avec Turn My World Around. Deux grands artistes sont aussi chaque semaine en fil rouge avec un de leurs albums. Ça peut être un album nouveau ou un album plus ancien. Là, c'est un album qui a quelques années puisqu'il date de 1968. C'est l'album de Nancy Wilson, Welcome to My World. Welcome to My Love, même d'ailleurs, plutôt. On va entendre une chanson qui s'appelle It Never Entered My Mind. Et puis plus récent, sorti l'année dernière, Robin Thicke, juste après, avec Magic. Once I laughed when I heard you say that I'd be playing solitaire, uneasy. it never entered my mind. Once you told me I was mistaken, that I'd awaken with the sun and order orange juice for one. It never entered my mind. You I can fly, I can got that magic. Hey, we got that magic. We got that magic. We got that oh, magic. We got the magic. We got that hey. Magic. Yeah. friendship causes pain. It's laughter and it's loving I disdain. I am a rock, I am an island. Don't talk of love. Well, I've heard the word before. It's sleeping in my memory. I won't disturb the slumber of feelings that have died. If I never loved, I never would have cried. I am shielded in my armor, hiding in my room, safe within my womb. I touch no one and no one touches me. I am a rock, I am an island. And a rock feels no pain, and an island never cries. Parmi les représentants de la période folk song aux États-Unis, c'est-à-dire fin des années 60, début 70, il y avait le groupe notamment Peter, Paul and Mary, dont Mary vient de décéder. On leur consacrera un album fil rouge dans Solid Gold très bientôt, mais il y avait aussi et surtout Simon & Garfunkel qu'on vient d'entendre avec I Am A Rock, l'un de leurs tubes. Juste avant, on avait Taylor Swift avec Picture To Burn. En 1968 sortait l'album In The Heat, in Welcome To My Love pardon, de Nancy Wilson, et juste avant était sorti le film In the Heat of the Night, dans la chaleur de la nuit, film de Norman Jewison avec Sidney Poitier et Rod Steiger. La chanson de ce film, In the Heat of the Night, était composée par Quincy Jones et on va l'entendre dès maintenant chantée par Nancy Wilson, puisqu'elle est aussi sur cet album Welcome to My Love. C'est une des plus belles chansons de film et le film est magnifique, je vous conseille de le voir. Il s'appelle donc In the Heat of the Night, dans la chaleur de la nuit. In the heat of the night, seems like a cold sweat creeping across my brow. In the heat of the night, I'm feeling motherless and hard. Stars with evil eyes stare from the skies, all mean and bright. Ain't a man yet been born knows how. So, but just a little light in the heat of the night. When I got trouble, when I got trouble wall to wall, must be an ending to it all. Oh, Lord, it won't be long, just you be strong, and it'll be all right. In the heat, in the heat. of a night. In the heat of the night. De pur jazz dans Solid Gold, ça fait du bien. C'était Louis Jordan and his Timpani Five avec Let the Good Times Roll. On retrouve tout de suite Nancy Wilson avec I'm Always Drunk in San Francisco, extrait de cet album Welcome to My Love, qui sera suivi par Beauty is Only Skin Deep par les mythiques Temptations. I'm always drunk in San Francisco. I always stay out of my mind. But if you've been to San Francisco, they say that things like this go on all the time. It never happens nowhere else. Maybe it's the air. Can't really seem to help myself. And what's more, I don't care. I'm always drunk in San Francisco. I'm never feeling any pain. But tell me, why does San Francisco just like a lover's kiss go straight to my brain. I guess it's just the mood I'm in that acts like alcohol, because I'm drunk in San Francisco and it won't be long. for once in my life, I have someone who needs me, someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me, and somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I knew you. Someone warm like you. Would make my dream come true. For once, once in my life, I won't let sorrow hurt me. No, no, no, no. Not like it's hurt me before. For once I have something, something I know won't desert me. I'm not alone anymore. For once I can say, this is mine, you can't take it. Long as I know I have love, I can make it. C'est un standard de la chanson américaine, cette chanson For Once in My Life que l'on retrouve sur cet album Welcome to My Love de Nancy Wilson. Juste avant, c'était Barbara Streisand en duo avec Ray Charles et Crying Time. Nous arrivons à la fin de ce Solid Gold. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous en compagnie de votre émission de variété anglo-saxonne. On se retrouve avec un nouvel album Fil Rouge la semaine prochaine et on se quitte bien sûr avec un dernier extrait de notre album Fil Rouge de cette semaine. À la semaine prochaine. D'ici là, passez une bonne nuit et faites de beaux rêves. Salut. Try to think that love's not around. Still, it's uncomfortably near. My old heart ain't gaining no ground because my angel eyes ain't here. Angel eyes that old devil sent, they glow unbearably bright. Need I say that my love's misspent, misspent with angel eyes tonight. So drink up, all you people. Order anything you see. Have fun, you happy the drink and the laughs on me. Why my angel eyes ain't here.